Marta. si apre la porta del cielo, termina l'era del buio, scintille e lampi di luce, vita nell'abisso senza voce. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Thierry. Eh bien, on a démarré très fort avec la Maschera di Cera. J'ai fait un petit effort avec donc Le Porte del Domani, qui est la suite de Felona et Serona de Léormé, le chef-d'œuvre de Léormé. Un album superbe, somptueux, version anglaise et version italienne. J'ai passé la version italienne parce que Jean-Louis, est comme moi, il préfère la version... Ouais, je préfère le chant italien au chant anglais. Ouais. Pour des Italiens, c'est quand même mieux de chanter en italien, comme pour les Français, n'est-ce pas? Je ris, dit-il, en me voyant dans ce miroir. On continue avec Locanda delle Fate, un groupe un petit peu éphémère qui a fait... un premier album super, Forse le Luciole, Non si amane più, pardonnez l'accent. Un deuxième qui vaut vraiment pas le détour. Un fond tiroir qui était live, qui a été édité par Mellow Records. L'année dernière, pardon, l'année dernière, on a vu arriver sur nos platines quelques raretés, quelques petits inédits bien sympas. Et puis là, un live, un concert de reformation qui s'intitule Bloom. Et c'est un pur bonheur, on retrouve toute la majesté de ce groupe qu'on a souvent comparé à Banco. Donc vous voyez un petit peu le niveau. Tout de suite sur Progapar, et qui est bien sûr l'émission du rock progressif. We'll be right back. un po'. Stringi dei capelli, inventavo favole. Poi caddi giù, ma avevo già le mani in tasca. Eroi traditi dal coraggio ed ingannati, dall'incenso e dal pianto che qualcuno venderà. Dove vanno gli angeli a dormire? Dove sono finito? Le illusioni e i sogni che nessuno compra più. Tra incerte ombre effimere. Je vois que Jean-Louis avait un grand sourire. Ah oui, c'est ce que j'adore dans le prog italien, c'est tout ça, c'est ce chant très expressif. Ce lyrisme, on peut dire. Très lyrique. Ouais. Et puis avec des musiciens derrière qui assurent bien, et puis ça m'a l'air d'être presque aussi bien que Hosanna. Que je trouve absolument génial sur scène, c'est vraiment du grand comédien dell'arte. Qui font un grand retour d'ailleurs aux Anna, hein, comme je te disais en aparté, là, sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils tournent actuellement. Hein. Donc, la Maschera di Cera, Les Portes de Demain, donc nouvel album qui fait la suite de Le Orme, Felona e Sorona. C'est Locanda del Fate. Et après, donc, Locanda del Fate. Dire, l'auberge. L'auberge des fées. Des fées. Sur la trace des fées, avec un album live qui s'intitule Bloom. Voilà, deux petits joyaux à se mettre entre les cages à miel, comme disait notre ami Christian Descamps de Rennes, justement. De l'Italie, on fait qu'un pas, enfin plusieurs pas quand même, puisqu'on monte du côté de York. Et je te propose, je te vois sourire, tu as deviné, Tim Hunter, avec sa nouvelle production Ascension. D'abord parce que c'est un ami, deuxièmement parce que c'est un nouveau disque, et troisièmement parce que j'ai un projet avec lui de duo et de concerts, si tout va bien, dans le midi de la France. Dans deux jours. Dans deux jours, si tout va bien, sur Cassis, pour ne pas la nommer, pour filet. Pas nommer la ville. Je précise que c'est du travail sans filet. Ouais. Pratiquement. Et donc tout de suite, Tim Hunter, Ascension. Despair. The establishment has no essence. from line of station. We want to use our brains. This world is driving us insane. Ascension to a new dimension. Reach a higher plane. Ascension, their new dimension. Through the shows the sun parliament. There's an unseen world that we can share. We know that something is out there. We're trying to reach another stage. We feel the coming of another age. The establishment has no answers. The music is for mind dispersion. But we want to use our brains. World is driving us insane. Ascension to a new dimension. Reach a higher plane. Ascension, their new bell dimension. Through the shows the song parliament. We're seeking invention. That is our intention. We're seeking a mention. We're seeking attention. But we want to use our brains. This world is driving us insane. Ascension to a new dimension. Reach the higher frame. Ascension, their new dimension. Through the shows the song parliament. Ascension to a new dimension. Reach the higher plane. Ascension, their new dimension. Through the shows the song parliament. Voilà, donc si tout va bien, Tim Hunter dans un projet qui s'intitule Silver Hunter. Vous voyez tout de suite le clin d'œil, il y en a qui s'amusent, qui rigolent en face. Bah, ça fait quand même le chasseur argenté, je trouve que c'est pas si vilain que ça. Donc si tout va bien, en concert à Cassis cette semaine. Petite Elora est devenue grande à notre grande satisfaction. Elora, c'est ce jeune groupe marseillais bien sympathique. Ils viennent de sortir leur premier véritable album. Ce qui était sorti avant, que je vous avais passé, c'était un mini. Là, c'est un album complet qui s'intitule Crash, qui a été produit par Progressive Promotion Records, qui est un label allemand, donc il fallait quand même le faire, se faire signer chez nos amis germaniques. Je trouve que c'est une prouesse. Et vous allez voir, c'est, ma foi, fort bien réussi. Donc, en plus que c'est des copains, ils ont du talent. Tout de suite, je vous propose Elora, Crash. Assourdissant, une indicible torpeur. Je baigne dans le sentiment de faire une erreur, des traces dans la poussière. Voilà ce que je laisse, une vie sans lumière dans la détresse. Encore dans ce profond repos des morts. But stamina can't be everything you need. To grow in head is like a second skin. Don't make me curse your fate. Can't you see your needs are sealed? Tune your mouth as you see her grin. Your lips will play her like a violin. Watch me turn the shadow into a dream. Let me heal you from within. Or you may rot in here. Can't you see your lips are sealed? Feel your shoes groping deep times. And your voice is no crime. Be your boss forever. Feel your chest. Thank you. Ah, pétard, ça joue, hein, n'est-ce pas, Jean-Louis ? Oui, c'est pas mal. Alors, William Gray, William comme le prénom et Gray comme la couleur, ou presque, puisqu'avec un A. C'est argentin, incroyable mais vrai, ça sonne plus british qu'autre chose. Et c'est un premier album qui s'intitule Silentio, et non pas Silencio. Donc S-I-L-S-I-L-E-N-T-I-O, voilà, et c'est tout du même tonneau, d'une très grande richesse instrumentale. Il y a un peu de tout, du violon, de l'accordéon, etc. C'est un concept, c'est vraiment très très beau. Il est de retour notre compère au clavier d'Apogée. Oui, Apogée, vous savez, cet homme qui fait régulièrement des albums pour Muséa. Et je vois que Jean-Louis me fait des grands signes. Oui, t'as un peu oublié de parler des Laura. Ben, j'ai annoncé Crash, hein, qu'ils allaient jouer au Proc Sud. Au Proc Sud, oui. Oui, oui, des oui. Marseillais, c'est ça ? Oui, je l'ai dit ça. C'est pas mal, c'est sympa. Ouais, ouais. Manque un peu de peps peut-être, mais je trouve que c'est pas mal, oui. Ça, je pense que ça a peut-être le mérite d'être écouté. Et oui. La dualité homme-femme. Ça fait un peu chanson. Ça se discute, effectivement, mais c'est ce qui fait aussi leur originalité, leur attrait, le petit plus aussi. C'est peut-être que c'est plus leur carte de visite. Et puis, pour le public. Ouais. Et puis sur scène, ça bouge beaucoup, hein. C'est très chouette. Anastasia danse, elle mime et tout. C'est très vivant sur scène. Ok. Donc, tu vas aller voir bientôt. Ouais, cette semaine. C'est dommage, mais bon. Bon, bah, puisqu'on parle du Proc Sud, bah, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai noté ? Bon, il y a Éclat. Hein, traditionnellement, c'est normal, ils sont sur leur terre, hein, donc c'est normal. C'est les organisateurs, c'est normal qu'ils soient là. Qu'est-ce qu'on a vu ? Il y a la Zully. Ce que j'ai vu, bah, malheureusement, je ne le verrai pas. C'est David Jackson, oui. Avec Alex Carpani. Ouais, donc, David Jackson, l'ex-sax de Van der Graaf. Ça doit être, ça va. Un groupe fétiche. Ouais. J'étais presque tenté de descendre, juste le voir ce jour-là, puis avec la programmation ce jour-là, ça m'a... Non. Éclat, j'ai déjà vu, je connais. Et donc, en fait, il passait qu'avec... Puis c'est un peu court, quoi, parce que c'est surtout ça. Le retour juste pour ce jour-là, ouais, c'était un ouais. peu court. Tant pis pour moi. Mais David Jackson, sur scène, ça vaut le coup d'être vu, parce que je l'ai vu... On parlait d'Ozana tout à l'heure, sur Prog Exhibition, la première... il passe avec Ozana, et il est bien, bien déjanté, malgré ses... Je sais pas quel âge il a... Il est toujours aussi excellent et bien déjanté au sax. Et pourtant, le sax, on ne peut pas dire que ce soit très prog. Mais là, on peut dire que ça l'est vraiment. Quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, après, Laura. Ouais, moi, j'ai noté Mangala Vallis aussi, qui est quand même un groupe italien de haute volée que j'avais déjà vu. C'est ça ? Comment ? Ils doivent passer le samedi soir. De mémoire, oui. Ouais, d'accord, bon. Donc, il y a la Zully aussi qui revient. Pas jamais au Proc Sud, bien sûr. Ouais. t'es responsable de tes propos. Je dis. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Donc, il y a une foultitude, hein, de groupes. Hein. C'est trois groupes par soir, sauf mercredi. Voilà. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pour une modique somme, hein, je sais plus ce que c'est, mais c'est vraiment c'est du 10 euros l'entrée, je crois, ouais, quelque chose comme ça, 10, 13 euros l'entrée. 5 euros les trois soirs, un truc comme ça. Donc les Peines Mirabeau, c'est au nord de Marseille. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Très sympa, très bonne ambiance. Ouais. On sait que ça s'appelle le Jazz Rod. Les musiciens sont abordables. Ouais, ils sont dans la scène, ils sont dans le public quand ils jouent pas. Ouais, c'est très familial. Et puis les gens aussi, parce que c'est des habitués. Ouais, non, c'est très très agréable. Et elle a un mélange à la fois. Ils amènent leur fan club. Il y a à la fois un mélange de groupes locaux et de groupes internationaux. Ils essayent de faire venir tous les styles. Donc de toutes les variantes du prog. On remarque quand même que c'est un peu la crise, parce que depuis quelques années, la programmation est un peu moins brillante. Mais oui, parce que bon, ils souffrent de la diminution des subventions culturelles, hein, oui, je crois. Parce que c'est pas avec le nombre d'entrées qu'ils peuvent payer. Non. Non. Donc là, si les subventions sont plus là, c'est vrai que c'est dur. Bon, on croise les doigts pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Je te propose donc Apogée allemand. Waiting for the Challenge, nouvel album, et vous allez voir, c'est tout beauté. Moi, j'ai beaucoup aimé. Une production de chez La Musea. not ground. Currents are induced, cohesion is reduced. Outside, the wind has changed. Communication is the key. New means to control. Change our perception of the whole. A splendid borders of national interest, political schemes unable to rearrange strategic means, hindered by permanent disagreement of parties involved to set up the rules, cheated by global players and unfair tools. State representatives manage to play the fools. Gather, show what it's worth of. the game, bearing all the shame in the end. Never had a chance to claim for anything but pain. Hiding in the dark, waiting for the storm to pass them by. The bishop takes the pawn on demand of powers that be, clearing down the lawn for those determining our fate. Having been abused with no chance to choose when and how, collect the fruits along Oui, c'est... Alors, qu'est-ce que t'en penses? La musique est bien, le chant est très moyen. Ouais, un peu monocorde, hein. C'est ce que disent les critiques d'ailleurs, hein. Superbe instrumentation, notamment au niveau des claviers, claviers vintage, de bonnes compos, ouais, de bonnes idées, mais c'est le chant qui est... So-so. Ouais, just so-so, c'est dommage. Cyril, vous allez voir, à mon avis, ça a déjà un peu plus de brio, même si Apogée avait du charme. Cyril, jeune groupe allemand, C-Y-R-I-L, Gone Through Years, premier opus. Voilà, inspiré librement d'H.G. Wells et la Time Machine. Voilà, ça fait effectivement réagir Jean-Louis tout de suite sur Prog à part, et vous êtes bien sûr sur le 100.7 Sol. My home. Commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Donker Sol 100.7. Lord, be Superbe balade par les Polonais de Believe, nouvel opus, nouvel album. Believe, the warmest sun in winter. C'est bien, n'est-ce pas? C'est pas mal, c'est pas mal. On n'a pas entendu du violon. Mais il y en a très très peu. La violoniste apparaît sur deux morceaux. C'est ce que j'ai regardé sur le livret. C'est un peu dommage, hein, parce que c'est ce qui faisait leur petit plus. On peut effectivement le regretter, mais par contre, les balades sont superbes. Oui. Dead Can Dance, explique-moi tout. J'explique. Dead Can Dance, c'est pas de la musique, c'est pas du progressif, mais c'est tellement riche qu'on peut vraiment l'apparenter. Dead Can Dance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe qui existe depuis le début des années 80, qui s'est reformé, qui s'est arrêté pendant quelques années et qui s'est reformé l'année dernière, je crois, ou cette année. Et donc, ils refont une tournée mondiale, tournée qui va passer par Lyon fin juin, au Nuit de Fourvière. Quand j'ai vu que Dead Can Dance était à l'affiche, j'ai tout de suite réservé mes places. C'est un groupe que je connais depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, c'est de la mélange de musique symphonique, de musique ethnique, avec... en fait, Dead Can Dance, c'est deux personnages, Brendan Perry... australien d'origine irlandaise, et puis Lisa Gerrard, australienne, avec des voix. Lisa Gerrard, une voix très très éthérée. Elle a bien chanté avec Klaus Schulze. Il y a un magnifique, je l'ai, un DVD où elle chante avec Klaus Schulze. Comme ce sont deux improvisateurs hors pair, ça fait quelque chose de tout à fait planant, mais très très planant. C'est une musique qui se vit, hein. Il y a des morceaux très rythmés, mais il y a aussi des morceaux très planants. Et celui que je vous propose là, c'est Sanvin. Un magnifique morceau, mais vous allez planer très haut. Et c'est Lisa Gerrard qui est au chant dans ce morceau-là. Donc un double album live, hein, c'est ça? Donc c'est un double album live, oui, qui vient de sortir il y a quelques jours et qui correspond à sûrement ce que je vais entendre dans quelques jours à Fourvière, mais c'est pas grave. On boude pas son plaisir. Les morts savent danser, tout de suite sur Prog à part. Superbe, on n'est pas loin du classique là, vraiment. Oui, là c'est un morceau très planant. Il y a d'autres morceaux qui sont plus rythmés. Hein. On est loin de la musique ethnique, hein. D'inspiration ethnique. Il y a d'autres morceaux qui sont vraiment. C'est très varié comme ambiance et surtout une voix pareille, c'est absolument fabuleux. Ils chantent vraiment très bien. J'ai hâte de voir ça dans les arènes de Fourvière dans quelques semaines. Ah, je pense que ça va donner, là, ça va rendre. Ah oui. Ah oui. Ouais. On va planer. Hein. Ouais, avec un, dans le sens noble du terme, avec un cadre prestigieux et une musique de ce style, ça va vraiment coller. Hein. Ouais. Ouais. Bon, ben, je te propose de conclure, puisqu'on aura une émission un peu plus courte, puisque votre serviteur demain file pour le Proc Sud, et puis peut-être pour un concert avec Tim Hunter. Donc, une semaine bien chargée. Donc, on va conclure avec le serpent qui se mord la queue, puisqu'on termine avec ce qu'on avait commencé, la Maquera di Cera, avec leur album, donc, qui s'intitule Les Porte del Domani. Cette fois-ci, la version anglaise. Ça vous permettra de comparer. Enfin, j'espère qu'il y a du chant. Je me souviens plus sur le morceau que j'ai choisi. En tout cas, le morceau que j'ai choisi, c'est le morceau de l'album éponyme, At the Gates of Tomorrow. C'est superbe. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Donc, tout de suite, un deuxième extrait. C'était Progapart, une émission présentée par Jean-Louis, Thierry. Réalisation Thierry avec le concours aimable au niveau du podcast de Arnaud. Voilà, on vous donne rendez-vous le lundi 3 juin à 20h30 jusqu'à 22h30. Voilà, et puis venez nombreux bien sûr au Prog Sud. Voilà, ciao, tenez-vous bien, tenez Tati à que la prochaine, caresse et bis à l'œil. Ciao, ciao. Ciao, ciao.